Ainsi avons-nous eu, après 6 ans de Vendredi SF, cette idée un peu folle de consacrer une série d'émissions à retracer l'histoire de la science-fiction française et francophone. Et si, en plusieurs épisodes, nous examinions comment ce genre, quasiment né en France, qui a rencontré un succès immense jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, qui a été presque oublié et qui s'est effacé devant la déferlante anglo-saxonne, et qui se bat aujourd'hui pour renaître, et si cette histoire-là était encore à compiler, à raconter, à examiner avec les historiennes et les historiens du genre, avec les préfaciers, avec les universitaires. Premier épisode. Histoire de la SF française, chapitre 1, les hypermondes, c'est le programme historique qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et qui d'autre pouvions-nous accueillir pour raconter la naissance du genre et ses déploiements jusqu'à la moitié du XXe siècle? Qui d'autre que ce cher Guy Coste? Bonjour Guy. Bonjour Nicolas, bonjour Fleur. Enchanté, évidemment, Fleur Hopkins qui est avec nous dans un instant, essayiste Guy Coste, essayiste co-auteur de l'encyclopédie Rétrofiction aux éditions des Belles Lettres et donc la non moins indispensable Fleur Hopkins Lauferon. Bonjour Fleur. Bonjour Nicolas. Poste doctorante CNRS rattaché au laboratoire Théorie et Histoire des Arts et des Littératures de la Modernité. Et nous voulions par ailleurs dédier cette émission en particulier, bien sûr, ainsi que les deux autres à venir et cette histoire de la science-fiction au très regretté Joseph Alterac, co-auteur des Rétrofictions avec vous, Guy, historien essentiel de la science-fiction francophone, qui nous a quitté bien trop tôt. Guy, peut-être vouliez-vous dire un mot? Je suis encore perturbé par le départ de Joseph, à tel point que je n'ai encore pas commencé d'autres travaux, si ce n'est des articles pour notre ami Yves Frémion pour les papiers nickelés. Voilà, il n'y a que ça qui me tient en vie encore. Fleur? Oui, Joseph, très grand ami et figure tutélaire s'il en est de mes travaux de thèse et de toute ma recherche passée et à venir. Voilà, Joseph, on salue l'oncle Joe, comme on l'appelait, dans l'univers parallèle d'où on en est sûr, il trouvera, on en est à peu près sûr, un moyen de nous écouter. Ceci étant dit, et avant de plonger dans cette histoire, notre archiviste à nous de l'actualité des sciences et de la recherche, c'est Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et on commence avec cette information. Pour la première fois, un débris de fusée va s'écraser sur la Lune. Oui, on a repéré un étage de fusée qui devrait s'écraser, non pas sur Terre, dans l'océan Pacifique, mais sur la face cachée de la Lune, le 4 mars prochain. Le souci, c'est que l'on ne sait pas identifier l'origine de cette fusée. D'où vient ce débris? On a parlé d'un étage d'une fusée Falcon 9 de SpaceX, et puis quelques études ont montré qu'il s'agirait plus probablement d'une fusée chinoise, bien que le ministère chinois des Affaires étrangères nie cette accusation. Alors c'est un épisode unique, mais qui est assez révélateur de la difficulté de suivre les débris spatiaux, mais aussi de les attribuer. Et c'est d'autant plus problématique que l'on se dirige actuellement vers un grand programme de retour vers la Lune avec une intensification des lancements. Xavier Pascaud est directeur de la Fondation pour la Recherche Stratégique et spécialiste des questions spatiales. On a l'exemple, c'est symbolique en fait, d'une activité qui est en train de s'intensifier et évidemment, de manière très visible, ça contribue à une forme de pollution nouvelle, hein, et là en particulier pour la Lune. Ce qui était une première, hein, c'est-à-dire qu'il y a un objet qui va y atterrir sans être contrôlé finalement. Alors en soi, l'événement lui-même ne va pas avoir beaucoup de conséquences, c'est très localisé, mais c'est vrai que ça ajoute à la discussion un petit peu sur aujourd'hui ce qu'on appelle les problèmes de contrôle du trafic spatial, avec la multiplication des objets, alors en orbite notamment autour de la Terre. Mais on voit bien que c'est symbolique, si vous voulez, d'une manière finalement d'habiter l'espace qui se transforme avec une présence humaine qui se traduit aussi par des conséquences inattendues et je dirais un peu des sous-produits un petit peu qui confinent à une forme de pollution hein, par l'homme de l'espace. Alors un problème qui est assez fréquent dans l'espace, hein, c'est le problème de l'attribution en fait. Ça reste quelque chose de très compliqué qui implique que l'ensemble de la communauté internationale dispose de moyens pour observer, suivre les objets dans l'espace de la manière la plus précise possible. Et là, finalement, on est dans le cas où on a un étage de fusée qui a échappé à l'attraction terrestre, et on ne sait pas trop, finalement, à qui appartient cet étage de fusée, parce qu'on n'a pas les moyens, finalement, de suivre ces objets-là. Donc il y a un petit peu aussi, derrière tout ça, non pas une guerre de communication, ce serait vraiment trop en dire sur cet événement-là, mais on voit bien que c'est symbolique, là encore, d'un sujet qui monte dans l'espace, c'est la responsabilité d'éventuels événements catastrophiques. On n'est pas dans ce cas-là pour la Lune, mais on pourrait être dans ce cas-là pour l'orbite terrestre, par exemple. Et là, il y a un aspect politique très important qui implique que chaque pays maîtrise un peu l'accès à l'information de ce qui se passe. Donc ça, c'est vraiment aujourd'hui au cœur des discussions. On ira quand même vers des choses normalement mieux contrôlées, enfin on peut l'espérer, parce que nécessairement, de toute façon, ces programmes sont des programmes internationaux qui vont nécessiter un minimum de concertation et j'allais dire de réglementation collective, que ce soit pour l'accès à la Lune ou pour l'habitation, hein, pour le transfert des astronautes vers la Lune, etc. Donc on peut espérer quand même que ce qui l'accompagnera, ce sont des règles un petit peu plus strictes et surtout plus concertées. Voilà, vous pouvez retrouver, comme chaque jour, toutes les études dont il sera question dans le Journal des Sciences, ainsi que plein d'autres liens pour éclairer votre écoute de l'émission sur notre fil Twitter, @laméthodefc. Également dans l'actualité des sciences cette semaine, Natacha, en ultra bref. Cette semaine, on découvre qu'à cause du changement climatique, le cycle mondial de l'eau se transforme rapidement et beaucoup plus vite qu'on ne le pensait. Nuages, précipitations, rivières et mers, les transports de l'eau douce des zones chaudes vers les zones froides s'accentuent. Cela signifie un risque de sécheresse plus intense pour les zones relativement sèches et des inondations plus extrêmes pour les zones relativement humides. Ce dérèglement du cycle de l'eau peut avoir un impact critique sur l'agriculture et la biodiversité. Cette semaine, Airbus a annoncé qu'il se lançait dans l'avion à hydrogène. Pour un avion zéro émission, Airbus s'associe aux motoristes Safran et General Electric. Ce trio va créer un moteur à hydrogène qui sera testé en 2025 sur un A380, le plus gros des avions long courrier, pour une mise en service en 2035. Et enfin cette semaine, on apprend que les chiens de compagnie pleurent vraiment la mort des autres chiens de leur foyer. Des chercheurs ont interrogé plus de 400 personnes qui avaient au moins deux chiens. Dans 90% des cas, à la mort d'un des chiens du foyer, le second semble affecté dans les mois qui suivent. Selon les auteurs, un chien en deuil, c'est un chien moins joueur, plus craintif, avec moins d'appétit et qui demande plus d'attention. Dans quelques minutes, nous commencerons notre exploration historique de la science-fiction française et francophone. Ce sera juste après le journal de l'ASF. Et on commence ce journal avec une étude parue dans la revue Science Robotics et l'invention de robots qui se reconfigurent. Alors, tout de suite, on pense aux Transformers. Alors, cette équipe américaine a inventé des robots qui peuvent s'adapter et se déplacer dans différents environnements. L'idée, c'est d'avoir un seul et même robot qui peut être à la fois terrestre, aquatique ou aérien. Avec sur Terre une machine qui utilise des roues ou des pattes, dans l'air avoir un format avion ou hélico, et dans l'eau un format rampant ou nageant. La difficulté, c'est de créer un robot capable de modifier sa structure. Et dans ce travail, les chercheurs se sont penchés sur des formes reconfigurables avec un nouveau matériau, avec du métal liquide. Et ils ont présenté un prototype de drone qui peut rentrer ses hélices et se transformer en petit véhicule sur roue. La structure à mémoire de forme se reconfigure rapidement et peut revenir à sa forme d'origine. Sophie Sacca est chercheuse en robotique au laboratoire des sciences du numérique à l'école centrale de Nantes. Elle est la fondatrice de l'association Robot. La modification de la forme, c'est pas le métal liquide de Terminator 3. Hein. Ce sont des petites reconfigurations pour pouvoir permettre un certain nombre de reconfigurations et s'adapter aux différentes tâches que le robot devra faire. Comme dans la nature, en fait, les animaux s'adaptent en fonction de ce qu'ils sont en train de faire. Le Tiagami, c'est une forme d'étoile à trois branches. Après, le matériau, donc c'est du composite et des matériaux métalliques par couche hein, qui vont se superposer. Et l'ensemble donc motorisé va pouvoir prendre des formes assez variées. Donc vous voyez, une étoile à trois branches, en fait, c'est assez facilement articulé. Hein. C'est assez facilement reconfigurable dans d'autres formes. Des formes plus qui vont plus vers le carré, vers le rond. Donc la matière est composée de tout un ensemble de petites étoiles. Et l'ensemble de ces étoiles, quand on les travaille de manière commune, va faire un changement de forme général du volume. Quand le matériau est créé, en fait, c'est une plaque. Et quand on modifie en fait la forme de ces étoiles, de chacune de ces petites étoiles, on peut obtenir des formes courbes. Donc les couches de matériaux en fait vont garder cette forme et former un nouveau volume rigide. Alors les matériaux à mémoire de forme en général, hein, c'est du thermique. Donc en changeant la température du métal, il va se condenser ou se dilater. Et donc cette condensation, cette dilatation, finalement, va permettre d'avoir des petites branches qui sont plus courtes ou plus longues dans une étoile. Quand vous rallongez une branche ou raccourcissez une branche, en fait, ça va changer la structure globale de l'étoile. Et après, donc la variation des températures est réglée par un algorithme. Le robot, vous allez rajouter par-dessus, donc vous allez embarquer par-dessus, donc fixer à cette forme, des moteurs, une électronique, une informatique qui va piloter l'ensemble du robot, d'accord ? Mais ce dont on parle, ce matériau qui change de forme, c'est la coque du robot, en fait. Les robots, actuellement, sont définis pour une tâche. Donc la recherche d'une configuration mobile est vraiment un point très important pour la robotique qui va permettre à des robots non plus d'être définis pour une tâche spécifique et y rester toute leur durée de vie, mais pouvoir s'adapter à différents environnements. Ça va permettre vraiment d'ouvrir des portes d'utilisation très grandes. Voilà, quand même plus T-1000 que Transformers. Hein. Allez, en bref, selon une étude parue dans la revue Frontiers in Neural Circuits, les vols dans l'espace provoqueraient un recalage cérébral. Oui, alors que nous devenons de plus en plus une espèce spatiale, une équipe internationale a voulu suivre les effets physiologiques que produisent les vols en apesanteur sur le cerveau. Les chercheurs ont fait passer à 12 cosmonautes des scans cérébraux avant leur départ, puis à leur retour, après avoir passé 6 mois à bord de l'ISS. Or, grâce à une tractographie, une méthode pour cartographier les faisceaux de neurones, on découvre des changements microstructuraux après leur voyage, avec une expansion des ventricules cérébraux, des cavités remplies de liquide. Alors, ces changements anatomiques sont toujours visibles 7 mois plus tard. On ne sait pas quelles sont les conséquences de ce recablage, mais selon les auteurs, avant de vouloir voyager vers d'autres mondes, il faudrait encore un peu mieux comprendre ce qui se passe dans le cerveau des voyageurs spatiaux. Voilà, et on en parlera en longueur dans une prochaine émission. Ce sera le 8 mars où nous allons consacrer notre mardi à parler de la question de l'hibernation spatiale. Côté fiction, le romancier Orson Scott Card revient avec une nouvelle trilogie. Et l'auteur américain est célèbre pour ses prises de position politiques controversées et pour le cycle d'Ender, un classique du genre. Les deux premiers volets, La stratégie Ender et La voix des morts, avaient obtenu les prestigieux prix Hugo et prix Nebula du meilleur roman en 1985 et 1986, une première dans l'histoire de la science-fiction. Le romancier revient donc avec une nouvelle saga, la trilogie Sidestep. Le premier volume, Wakers, vient de paraître aux États-Unis. Il raconte l'histoire d'un clone qui se réveille abandonné sur une planète Terre désolée. Et bientôt également une table ronde science-fiction et environnement à Paris. Oui, le 9 mars à Paris, les éditions Glitch organisent cette table ronde à 19h à l'Académie du Climat. Une discussion autour de la représentation des enjeux environnementaux dans la SF. Un événement qui réunira l'éditeur Jérôme Vincent de la maison ActuSF, l'écologue Anne-Caroline Prévost et le romancier et physicien Raphaël Granier de Cassagnac. L'événement est gratuit mais sur inscription, on vient de vous publier le lien du site. Par ailleurs, les éditions Glitch vont publier le 1er juin 2055 un roman collaboratif d'anticipation parrainé par Alain Damasio et inspiré par le roman Soleil Vert. Une campagne de financement participatif est lancée sur la plateforme Ulule. Et on termine, comme chaque semaine, par notre rubrique de sciences improbables. Aujourd'hui, une étude parue dans la revue Australian Field Ornithology qui décrit une étude sur des oiseaux qui tournent au vinaigre. Une équipe australienne a voulu tester un nouveau dispositif de suivi sur des cassicans flûteurs, un oiseau au plumage noir et blanc proche du corvidé. De minuscules GPS ont été attachés sur les animaux avec un harnais. Sauf que 10 minutes après avoir installé ces balises, les chercheurs ont observé les oiseaux en train de retirer les harnais des uns et des autres en quelques coups de bec. 3 jours plus tard, il n'y avait plus aucune balise fonctionnelle. Alors, mais l'expérience n'est pas tout à fait un flop. Déjà, elle démontre une bonne capacité à résoudre des problèmes. Les harnais n'étaient pas faciles à détacher. Et surtout, on découvre un comportement insoupçonné chez cette espèce, avec un comportement d'entraide particulièrement altruiste. Et vous comprenez maintenant, Natacha, pourquoi à chaque fois je jette vos téléphones portables par la fenêtre. Merci beaucoup. On se retrouve lundi pour le prochain Journal des Sciences. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et ça fait un bout de temps que l'idée nous trottait dans la tête, raconter en plusieurs épisodes une histoire de la littérature de science-fiction française et francophone, avec la volonté non pas de faire un listing des auteurs, des autrices et des thèmes abordés, mais de comprendre comment ce genre, qui trouve certaines de ses plus importantes racines dans la littérature française, a évolué au fil du temps, a changé de thème, de prédilection, a résisté ou non à l'importation massive de la littérature anglophone et nord-américaine. Bref, faire un tour d'horizon de ce que nos autrices, nos auteurs ont posé en termes d'imaginaire, de vision du futur, d'enjeux politiques, philosophiques, environnementaux, ou comment ce qui allait au tournant des années 50 devenir la science-fiction a tracé les contours d'un panorama de l'imaginaire du futur en langue française. Nous voici donc aujourd'hui au pied du mur, c'est-à-dire au tout début, bien avant que la notion de science-fiction existe, dans cette préhistoire de la SF, préhistoire foisonnante de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle, à l'époque où un récit qui se projette dans le futur peut gagner le premier prix Goncourt, à l'époque où il n'est pas encore question de littérature blanche ou grise, à l'époque où la SF n'est simplement pas encore un genre littéraire, à l'époque où ces récits s'agrègent en corpus et sont une forme d'entreprise collective. Nous en parlons donc avec Guy Coste et Fleur Hopkins-Loferon, avec cette première question qui est une question de taille. Est-il possible de définir un début à la littérature de science-fiction française ? Fleur Hopkins-Loferon. Alors, ça va être une question effectivement très épineuse, puisque même les spécialistes, les érudits, les passionnés ont une vision différente chacun de l'histoire de la science-fiction. Déjà, on en reparlera par la suite, le terme science-fiction est l'objet de querelles extrêmement nombreuses. Mais certains, comme Pierre Versin par exemple, vont remonter à Gilgamesh, vont remonter à Lucien de Samosate. D'autres vont être beaucoup plus tardifs et préférés, par exemple, c'est le cas de Brian Aldiss, Le monstre de Frankenstein de Mary Shelley en 1818. Ou encore, là c'est plutôt Darko Suvin, qui va parler de la machine à explorer le temps, évidemment de Wells, puisque 1895 est un moment tournant à la fois pour les sciences, avec la cinématographie et puis la radiographie, et tout simplement un premier récit vertigineux de voyage dans le temps. Mais ce que vous montrez l'un et l'autre, Fleur et Guy, dans vos travaux respectifs, Guy Coste, c'est que finalement, encore une fois, on est bien en amont de la définition d'un genre littéraire, mais que imaginer le futur, imaginer des futurs probables, sans même qu'il soit vraiment question de futurs scientifiquement crédibles, ce sont finalement des jalons que l'on trouve tout au long de la littérature française, et ce, depuis Rabelais, et puis même certainement un peu avant Guy Coste. Oui, sauf que les exemples que Fleur a donnés là, et que vous avez donnés aussi, proviennent de la littérature anglo-saxonne, alors que le titre, est, si j'ai bien lu, est bien la littérature francophone. Absolument, je parlais de Rabelais, Guillaume. Rabelais, c'est pas anglo-saxon. Oui, sauf Rabelais, oui. Alors, on va y revenir. Moi, ce que je voulais surtout rajouter, c'est que après la date de 1926-1929, qui sont l'apparition, justement, dans les pubs américains du terme science fiction, et qui est devenu après science-fiction, après, c'est un corpus bien connu, une expression connue, une étiquette qui a été revendiquée, une appartenance parfaitement identifiable. Alors qu'avant, c'est quelque chose qui était beaucoup plus hétérogène. C'était diffus, sans que les auteurs aient véritablement la volonté claire et conscience de produire des œuvres qui se rattachent ensuite à un mouvement littéraire. C'est-à-dire que on pourrait dire ils n'en avaient pas conscience réellement. C'est juste un bien commun qui est devenu après. C'est ça, c'est-à-dire que en fait, la question que je voulais vous poser à tous les deux, c'est de dire, est-ce qu'il y a un sens a posteriori, sans que ce soit anachronique, de se dire qu'on retrouve finalement les prémices ou des racines ou des graines du récit d'anticipation scientifique, pour le nommer comme ça, chez Rabelais, chez Cyrano de Bergerac, chez Voltaire. Est-ce que ça a un sens de retracer cette histoire-là avant même qu'il puisse y avoir le début d'une sorte de constitution d'un mouvement littéraire collectif ? Fleur. Oui, peu importe le nom qu'on veut donner à cet ensemble, que ce soit celui de roman d'hypothèse, roman hypothétique, conjecture romanesque rationnelle et j'en passe, il y a tout à fait lieu d'aller observer cette histoire littéraire, peu importe qu'elle forme groupe ou qu'elle soit même singulière, vous avez cité des auteurs singuliers, elle nous dit quelque chose de l'histoire des sciences, des pseudosciences et de la métapsychie, de tout ce qui se passe en sciences, de ce bouillonnement, que l'on pense par exemple à Rabelais, et là Guy aura sans doute beaucoup de choses à dire, et son appareil à geler les paroles, ça nous dit quelque chose du rapport au temps et de cette volonté justement de figer, de retenir tenir le temps qui passe. Donc absolument, il y a lieu d'aller regarder de ci, de là, comme a ambitionné de le faire l'Encyclopédie de Guy, ces épiphénomènes qui nous disent quelque chose de l'appréciation de la science, du passé, du futur, et tout simplement de l'épocalité dans laquelle se situent ces écrivains. Mmh. Guy Cosse, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je vais reformuler ma question d'une autre façon. Est-ce que ça a du sens dans l'idée de la constitution d'une forme de mouvement ou de genre littéraire, dans le sens où finalement les premiers auteurs qui vont commencer à constituer ce mouvement se seraient inspirés ou seraient allés puiser des inspirations dans ces auteurs-là ou dans ces œuvres un peu éparses et donc en en trouvant quelque part des racines ou une sorte de fondation? C'est une évidence, mais il n'en avait pas conscience. Voilà. Voilà. Fleur a rappelé tout à l'heure que Versin avait élaboré le terme en théorisant ce mouvement de conjecture romanesque rationnelle. On est parfaitement là. Alors que le phénomène ait été étudié a posteriori, ben oui, il peut pas en être autrement. Et c'est pour ça qu'on peut remonter jusqu'à des époques lointaines. Comme on rappelait, on est quand même en 1532, ça fait 400 ans que, alors on peut pas parler de science-fiction, elle n'existait pas, le terme même n'existait pas, mais on peut ramener a posteriori ces œuvres-là dans ce giron, dans ce corpus énorme et collectif, je le dis bien, parce que c'est une littérature dont chaque auteur nouveau s'est inspiré du précédent, ce qui n'existe pas dans la littérature dite blanche, je pense. Alors, c'est intéressant ce que vous pointez, Guy, parce que justement, à partir de quel moment est-ce que l'on peut commencer à se dire que cette littérature fait mouvement? C'est-à-dire à partir de quel moment, de quelle époque, on commence à avoir suffisamment de productions dont on pense qu'elles s'inspirent les unes des autres et qu'il commence à y avoir l'émergence d'une forme d'une nouvelle forme littéraire ou en tout cas d'un mouvement à part entière qui peut se détacher du reste de la littérature. Fleur Hopkins Lauferon. Oui, question glissante s'il en est. Certains vous répondront Jules Verne, parce que ne serait-ce que 1864, avec le voyage au centre de la Terre, on a déjà quelque chose de très fort qui tourne autour du voyage extraordinaire, qu'on retrouvera aussi dans les voyages excentriques de Paul d'Ivoire. Donc on voit bien que là, on s'attache plutôt à la merveille, à l'enchantement et au voyage, mais tout de même, il y a là quelque chose qui fait corps, et notamment une ligne d'écriture qui est commune à plusieurs auteurs, qui ensuite réapparaîtra dans des romans d'aventure scientifique de Maurice Champagne et beaucoup d'autres noms que je pourrais citer. Moi, j'aurais tendance, évidemment, après pour ma chapelle et à vous dire que le mouvement merveilleux scientifique qui va plus ou moins se déployer entre 1909 et la fin des années 30, il l'a tenté, sans succès comme on le sait, hein. Vous avez reçu il y a quelque temps Serge Lehmann qui nous montre bien que encore aujourd'hui le merveilleux scientifique irrigue l'imaginaire francophone et au-delà, mais à son époque Maurice Renard, qui était le grand maître à penser du merveilleux scientifique, n'a pas réussi à en faire un genre qui vraiment préexiste, perdure tout simplement dans le temps. Mais il me semble qu'effectivement il y a eu des groupes, je pense par exemple à Alfred Jarry qui a tenté, lui, avec sa notion de roman hypothétique, de théoriser quelque chose qui se passe. Et comme ça, tout au long de l'histoire littéraire, on voit qu'il y a des critiques qui essayent de se saisir de ce qu'il se passe, qui essayent de commenter, que ce soit Marcel Réja, que ce soit Hubert Mattet, beaucoup plus tard Roger Caillois, tous essayent de dire, mais il se passe quelque chose de curieux, quelque chose qui outrepasse le fantastique et le merveilleux, et ben, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle forme? Quel nom on peut lui donner? Alors, j'entends bien ce que vous dites. La question, ce que j'essaie de trouver et d'approximer avec vous l'un et l'autre, c'est de se dire, en fait, que certains auteurs ou qu'il puisse y avoir une projection imaginaire ou de manière ponctuelle un ouvrage dans une œuvre qui pose la question du futur ou qui pose une forme d'imaginaire fantastique ou scientifique, c'est une chose. La question que j'aimerais essayer de détourer en tout cas avec vous, et je vais vous poser la question, cher Guy Cosse, c'est de se dire à quel moment on peut commencer à voir qu'il y a une préoccupation récurrente, c'est-à-dire qu'il commence effectivement à y avoir plusieurs auteurs qui tentent et donc qui commencent à esquisser une forme, une fois de plus, de mouvement, de direction ou de recherche littéraire qui serait donc du coup les prémices de ce qui va devenir plus tard le merveilleux scientifique. Alors, tout ce qu'a dit Fleur est parfaitement exact, si ce n'est que je fais remonter, moi, cette cristallisation à une époque un peu plus lointaine. C'est-à-dire, il y a eu Charles Garnier qui a fait une collection en 1787 de tous les voyages imaginaires qui étaient parus auparavant. Ça fait une collection importante de 36 volumes avec un éditeur complètement inconnu, mais qu'on retrouve assez fréquemment cité par les historiens. Après, il y a Félix Baudin qui a, dans un roman qui s'appelle Le roman de l'avenir, on est en 1836, donc un peu plus tardif, mais qui conceptualise et théorise tout ce mouvement par une liste de romans qui se passent dans l'avenir, qu'il a voulu reconstituer et qu'il cite nommément dans les annexes à ce roman de l'avenir. Ça, c'est important. Et à partir de là, moi, je considère qu'on peut parler véritablement d'un mouvement constitué. Donc, vers 1836. Alors, ce qui est 1830-1840, sans fixer forcément d'années importantes. Du coup, l'autre question que cette question appelle, c'est de dire, finalement, puisque rétrospectivement, notre travail d'observateur, de lecteur, d'analyste et d'universitaire, c'est effectivement de labelliser, de trouver, de dégager des tendances, de coller, alors sans le côté péjoratif de la question, de coller des étiquettes, comment est-ce qu'on définit cette étiquette littéraire qui est de se dire, à un moment donné, ces auteurs commencent à interroger le futur, à se projeter dans le futur, à projeter un imaginaire du futur qui n'est pas juste un imaginaire merveilleux ou fantastique, mais qui a vraiment une capacité projectionnelle. Fleur Hopkins-Soferon. Oui, je crois que, et là je rejoins peut-être Guy, peut-être que si on a envie de regarder un petit peu plus tôt ce qu'il s'est passé, on peut aussi aller regarder du côté des utopies, des contre-utopies, des satires aussi qui ont une place notamment dans beaucoup de textes manifestes plus tardifs où on voit qu'en fait ces pères fondateurs, ces précurseurs sont aussi Swift, sont aussi d'autres auteurs beaucoup plus anciens. Donc on voit bien que là c'est une entreprise difficile que celle d'aller trouver ces précurseurs, ces fondateurs, puisque on essaye de faire dès lors une histoire téléologique de la science-fiction qui est assez malhabile. On a envie effectivement de trouver les premiers auteurs qui ont écrit de la science-fiction. Et vous voyez bien que spontanément, on a tendance à se dire science-fiction égale récit du futur. Voilà, tout à fait. Alors c'est cette question-là que je vous pose. C'est-à-dire que finalement, comment est-ce qu'on la définit, cette science-fiction ou ce merveilleux scientifique, quelle que soit l'étiquette que l'on cause dessus, quels sont les critères qui peuvent du coup commencer à définir un mouvement? Alors... Il me semble que c'est une vaste question, bien sûr, mais il me semble qu'effectivement le critère du futur est problématique parce qu'il n'est pas du tout récurrent à toutes les œuvres. On se rend bien compte aussi de la même manière que la question thématique qui peut embrasser effectivement le thème des robots, le thème de l'exploration spatiale et que sais-je pourrait être séduisant, mais il ne fonctionne pas non plus tout à fait. Et dans ce cas, on a tendance à préférer peut-être, tout comme Judith Merril, qui aimait l'expression fiction spéculative, se dire que quelque part un récit de science-fiction, utilisons l'étiquette que l'on souhaite, c'est un récit qui propose de mettre en fiction une expérience de pensée. Il s'agit de poser une hypothèse, il s'agit de vérifier une expérience, il s'agit véritablement de proposer dans l'espace du roman de faire une expérimentation que l'on mène de manière crédible et vraisemblante jusqu'à l'issue en fait de la fiction. Donc c'est peut-être là, il me semble, une proposition définitoire qui pourrait être assez intéressante et séduisante et qui nous permet de fait d'expulser ce fameux futur qui, vous voyez bien, me dérange un petit peu. Oui, j'entends bien. Guy Coste, votre point de vue à ce sujet? Oui, on pourrait aussi parler de Charles Tiphaine de La Roche qui, lui, s'est spécialisé dans la conjecture romanesque. C'est-à-dire que presque tous les romans qui sont parvenus jusqu'à nous parlent d'un pas de côté par rapport à la science de leur époque. Ça, c'est important aussi de le signaler. On ne peut pas lire un roman, quel qu'il soit, de conjecture si on n'a pas en tête les connaissances réelles des scientifiques de l'époque. Il a écrit aussi un roman qui s'appelle Gifanti qui parle... pour les spécialistes de la photographie, d'un prémisse de la photographie, et y compris de la photographie en couleur. On est quand même en 1753, c'est important de le dire. Donc voilà, quelqu'un qui s'est spécialisé, entre guillemets bien entendu, dans des romans d'hypothèses, avec une vision légèrement décalée, et en allant faire la... poussant au maximum les conséquences de cette découverte ou de cette pensée scientifique décalée. Donc vous êtes globalement d'accord avec la définition, ou en tout cas la proposition de Fleur, qui est de dire c'est une expérience de pensée que l'on pousse dans ses extrêmes. Oui. Voilà. Alors, avec toujours le regard rétrospectif et donc déformant qui est le nôtre, il y a une ligne littéraire facile à tracer, c'est celle que vous nommiez tout à l'heure Fleur Hopkins-Loferon, c'est Jules Verne et J.H. Rony, les deux frères avant Rony aîné, et Jules Verne, un ouvrage particulièrement. It's unthinkable, but it must be true. A man took some tools and went where no human being had ever set foot, alone. C'est incroyable, mais ça doit être vrai. En portant quelques outils, un homme va là où nul humain n'a jamais posé les pieds. Tout seul. Il va à l'intérieur de la Terre tout seul. Prenez congé de la civilisation pour les sauvages déserts glacés d'Islande. Faites la périlleuse descente vers l'inconnu. Vous serez explorateur avec eux, durant des milliers de kilomètres de couloirs et de labyrinthes obscurs. Vous découvrirez les immenses cavernes du centre de la Terre, jamais vues par des yeux d'homme. Venez vous perdre ici. Vous découvrirez un monde englouti, des forêts pétrifiées, les merveilles fantastiques de la grotte de pierres précieuses. Vous affronterez les dangers les plus inhumains, ici, au centre de la Terre. Halt ! Prenez bien garde. Vous ne retrouverez pas vos compagnons ni le chemin pour sortir. Vous avez besoin de moi autant que j'ai besoin de vous. Halt ! Tant pis, vous l'aurez voulu. Voilà l'adaptation cinématographique de Voyage au centre de la Terre par Henri Lévin, la bande-annonce en 1960. C'est un ouvrage pivot, vous l'avez cité avant même de savoir qu'on allait en diffuser un extrait, tout ça n'est pas préparé. C'est un ouvrage pivot et c'est un ouvrage qui dit aussi quelque chose de cette première incursion dans la fiction scientifique ou dans le merveilleux scientifique, encore une fois, quelle que soit l'étiquette que l'on colle, c'est que ces fictions-là sont aussi et emprunte avant peut-être tout au roman d'aventure. Fleur Hopkins-Leferrand. Oui, je crois que Guy aurait beaucoup de choses à dire sur ce récit des terres creuses, hein, parce que l'on sait bien que Guy est un grand spécialiste de cette thématique. Mais ce qu'il faut savoir aussi concernant le voyage au centre de la Terre, c'est que Jules Verne en a réécrit des passages après avoir lu un ouvrage de Camille Flammarion qui actualisait certaines données scientifiques concernant notamment la paléontologie et puis différents éléments de géologie. Camille Flammarion, auteur, astronome, métapsychiste, enfin un personnage absolument fabuleux. Les canaux de Mars. Tout à fait, un personnage absolument fascinant de son temps. Et effectivement, ce récit a posteriori nous dit quelque chose du début d'une forme de science-fiction romanesque, est aussi rattaché à une forme de roman d'aventure scientifique. N'oublions pas que Jules Verne est une figure un peu ambiguë parce que il y avait beaucoup de vulgarisation scientifique dans ses romans et l'on ne sait pas toujours quel est le curseur. Est-ce qu'il s'agit de divertir? Est-ce qu'il s'agit d'enseigner? Est-ce qu'il s'agit d'étranger? J'ai envie d'utiliser ce néologisme très laid, tout simplement arracher à son territoire, son lecteur, pour l'amener vers des territoires qui sont neufs, qui sont extraordinaire. Donc Jules Verne, effectivement, avec ce texte, marque un tournant sans pareil que certains plus tard vont rejeter. Il s'agira d'un parricide où, pour s'affirmer en tant qu'écrivain, il faudra tuer le père Jules Verne. Mais effectivement, ce texte a une place absolument fondamentale dans ce fameux corpus qu'on essaye aujourd'hui de retracer ensemble. Guy Coste, un mot sur le fait que cette première incursion dans la projection dans le futur, dans les machines extraordinaires, ou en tout cas dans l'utilisation d'un récit scientifique qui déborde sur l'imaginaire, on est encore dans une structure romanesque qui est celle du roman d'aventure. Complètement. Mais Jules Verne, alors l'extrait du voyage au centre de la Terre est intéressant, mais ça n'est pas une anticipation, comme on le disait tout à l'heure. Jules Verne a fait très très peu d'anticipation. Il vaudrait mieux parler à ce moment-là d'Albert Robida, qui lui a anticipé le futur d'une manière beaucoup plus concrète et nombreuse que ce qu'a fait Jules Verne. Alors on peut parler de Robida. Je vous laisse, mais dites-nous un mot de Robida. Pourquoi? Parce que Robida fait partie, mais comme finalement les Rony ou J.H. Rony ou Rony aîné, qui ont été partiellement oubliés, là où Jules Verne a gardé une postérité. Comment vous expliquez ça, par exemple, Guy Coste? Ben, à cause de son éditeur qui a été un homme de génie au niveau commercial, au niveau publicité, au niveau chose que Robida n'a jamais eu à faire avec son éditeur Decaux, alors que Hetzel a été quelqu'un, un homme d'affaires, voilà, et qui a influencé aussi l'écriture de son auteur. Tout l'aspect vulgarisation, s'adresser aux jeunes, qui a collé à l'œuvre de Jules Verne pendant très longtemps, ça l'a presque desservi, alors que Robida, lui, avait son talent de dessinateur qui allait abonder dans ses anticipations, voilà. Parce que il y a un autre, je pense à Rony, parce qu'il y a un autre texte qui est aujourd'hui pour vous, pour les historiens et les historiennes de la littérature de science-fiction, un titre extrêmement important, c'est l'Exipéus de Rony en 87. Guy, vous voulez nous dire un mot de ce roman et de la raison pour laquelle c'est un texte qui est aussi un texte pivot de l'évolution de l'imaginaire. Encore une fois, alors, je ne sais pas comment on l'appelle, science-fictionnesque. Disons science-fictionnesque. C'est un récit assez extraordinaire qui fait appel à des, non pas une invasion, mais la présence d'une tribu un peu extraterrestre constituée de personnages géométriques en quelque sorte et électriques qui sont confrontés avec une civilisation très ancienne puisque c'est censé se passer il y a 8 ou 9 000 ans. Voilà pour Rony Aîné. Mais il est capital dans l'histoire de la science-fiction, y compris dans l'histoire de la conjecture, par ces récits préhistoriques, dont les Xipeus peuvent faire partie, effectivement. Mais ce récit a été, comment dire, non pas d'une grande influence, mais a été stigmatisé par les historiens de la science-fiction, pour une raison que je m'explique mal, malgré une grande qualité d'écriture. Flore, un mot sur les Xipeus et sur leur importance ou non. Est-ce que c'est une importance rétrospective? Est-ce que c'est un texte qui a eu son importance au moment où il a été publié, parce qu'il a diffusé justement la possibilité de créer ces imaginaires à la fois préhistoriques et merveilleux? Un texte qui a quand même été réceptionné de son temps et qui a été recité par la suite par différents auteurs, notamment Maurice Renard, et qui reconnaissent en Rony effectivement un écrivain tout à fait fondateur de leur propre création. Il se trouve aussi, ce qui est tout à fait fascinant avec Rony et d'autres chercheurs que moi, comme Clément Hummel par exemple, qui consacrent leurs travaux à Rony, auraient beaucoup à dire sur le sujet. Mais Rony, on est vraiment dans un récit de l'épopée humaine. Et de fait, la science-fiction, bon, toujours, peu importe le terme que l'on utilise, il s'agit aussi d'imaginer la fin de l'homme, la disparition de l'homme. Je pense notamment, quand j'écoutais les actualités, à la disparition de l'eau, à la question de la mort de la Terre. Donc, de fait, il y a vraiment une appréhension, à l'échelle totalement globale et détendue, de l'histoire humaine, de sa naissance à sa disparition. Et de fait, le récit d'Exipéus est presque comme une proposition alternative de ce que pourrait être la survivance de l'homme face à l'altérité. Puisque, je le disais un petit peu plus tôt, la question de l'altérité est souvent un critère définitif qu'on aime à utiliser pour dire la science-fiction, c'est un récit de l'altérité ou bien du devenir civilisationnel. Et on comprend donc pourquoi les Xipeus sont un texte significatif de cela. Il y a aussi autre chose à cette époque qui commence à changer, c'est les modalités de récit, les modalités de publication de ce type de récit, avec, je pense notamment à la sortie en 1877, cher Guy, du journal des voyages et des aventures de terre et de mer, qui va avoir une postérité extrêmement large et même une histoire un peu sombre, mais néanmoins qui a été l'un des premiers journaux à feuilletonner et à être finalement un réceptacle assez récit d'un nouveau genre. Par l'importance de sa diffusion. C'est à cause de ça qu'il a été beaucoup cité, beaucoup repris, mais aussi par la qualité des auteurs qui étaient des collaborateurs du Journal des Voyages. On parle de Jacques Olliot, on parle d'Henrit, on parle de tous ces gens-là. Paul Divoy, par exemple, la plupart de ses romans étaient pré-publiés dans le Journal des Voyages. Et la pré-publication en feuilleton est quelque chose, un phénomène qui nous a marqué, Joseph et moi, où on s'est rendu compte que on a fini par conclure que quasiment tous les romans en volume avaient été prépubliés en feuilleton. Alors pas forcément par le Journal des Voyages, il y en a eu plein d'autres, Le Soleil du Dimanche, ainsi de suite, il y en a des quantités invraisemblables. Et depuis la création des sites de la BNF, Gallica, il y a une vingtaine d'années, Retro News, il y a une dizaine d'années, on retrouve et on actualise notre propre travail par des découvertes de feuilletons qui ont précédé les romans tels qu'on les avait en tête. On a pu ainsi remonter presque d'une dizaine d'années certains textes récents avec l'aide de nos collaborateurs Philippe Etuin et Philippe Murat, je tenais à les citer, où on fait remonter des dates comme ça de presque une dizaine d'années pour certains textes qu'on a retrouvés a posteriori, justement, publiés 10 ans avant l'apparition en volume. Ça, c'est important. Et ce que ça dit surtout, et ce qui est important pour notre propos et pour cette histoire de la SF française et francophone que nous essayons de raconter dans ces émissions, c'est de dire à quel point, et ce dont on se rend pas compte, et ce dont les éditeurs et les éditrices de science-fiction aujourd'hui rêveraient, c'est de dire à quel point cet imaginaire-là est fécond et populaire, Fleur. Oui, absolument. Et vous citiez très très brièvement en introduction le cas du prix Goncourt, que l'on pense notamment à John Antoineau en 1903 avec Force Ennemie, qui est un récit très curieux. Alors on pense au début un récit qui dérive du Horla de Maupassant avec un personnage qui serait fou parce qu'il se réveille en maison de santé. Et en fait, il se trouve qu'il est habité par un extraterrestre qui vient vérifier l'habitabilité de la Terre. Et il se trouve que c'est le tout premier prix Goncourt de l'histoire française, un récit de science-fiction s'il n'en est. Mais effectivement, le caractère extrêmement populaire de ces récits de science-fiction, il est indéniable, puisque Guy le disait, tout ce qu'on appelle un peu de manière bâtarde les pré-originales, tous ces récits étaient publiés dans Le Matin, qui était tiré à des millions et des millions d'exemplaires, publiés dans L'Intransigeant, dans Paris Soir, enfin des revues qui étaient extrêmement lues, extrêmement diffusées. Il faut aussi se replacer dans un contexte éditorial où, à l'époque, quand l'on interrogeait des gens comme Léon Sazy, comme Léon Grock, comme Octave Béliard, tous ces auteurs qui étaient des polygraphes, mais aussi donc des auteurs du merveille scientifique et de la science-fiction, eux-mêmes, ils n'aimaient pas la différenciation qu'on qu'on essayait de faire entre romans littéraires et romans populaires. Quand on lit leurs interviews, ils disent très bien, en fait, il y a les romans qui se lisent et les romans qui ne se lisent pas. Et de fait, des auteurs comme Jean de La Hire et tous ceux que j'ai cités précédemment publiaient de manière hebdomadaire, de manière extrêmement lue. Et surtout, il ne faut pas oublier que des journaux comme Le Matin avaient un pouvoir de frappe extrêmement puissant. Il y avait des camelots qui distribuaient dans la rue les fameux 4 pages où c'était des débuts de feuilleton. Il y avait des campagnes d'affichage. Enfin, on n'a pas idée aujourd'hui de la manière dont tout cet imaginaire science-fictionnel, en fait, était tout simplement innervé dans la culture. Et Guy le sait très bien par rétrofiction. C'était des chromolithographies, des assiettes peintes, des buvards. Enfin, ça faisait partie du quotidien des Français au XXe. Oui, c'est exactement ce point de départ-là qui est absolument fascinant. Et on va essayer de reconstruire, de se dire comment, partant de cet imaginaire aussi foisonnant, aussi populaire, eh bien, on arrive finalement à en perdre l'essence et arriver au temps présent. On le racontera donc en plusieurs épisodes. Il faut, vous parliez des chromos, des buvards. Il faut éventuellement évoquer rapidement, Guy Coste, aussi l'apparition début 20e des premiers illustrés, les belles images en 1902, les patents en 1907. C'est-à-dire que véritablement, l'imaginaire merveilleux, scientifique, science-fictionnel, appelons-le comme on veut, et littéralement partout, c'est le divertissement populaire. Tout à fait. Et j'ai une carte postale. Je vais unir une collection importante de cartes postales, seul, mais j'en fais partie, de conjectures romanesques, illustrées et méconjecturales, absolument prodigieuse. C'est-à-dire que tout était prétexte. L'apparition de la comète de Halley en 1910 a engendré un nombre absolument invraisemblable d'images qui représentaient soit la fin du monde, soit des voyages interplanétaires. Tout était prétexte et on le retrouve à peu près partout, y compris dans les jouets et les imageries populaires, y compris l'affiche, les images d'Épinal, tout cet appareil spécifique et qui reprenait des termes de conjecture romanesque. Oui. Alors, c'était pas de la science-fiction, mais a posteriori, on peut le dire. Mais c'était de l'imaginaire. L'étape suivante, donc, la personne qui va formaliser ce mouvement, cet imaginaire, c'est Maurice Renard. Vous entendrez tout à l'heure un extrait de son manifeste du merveilleux scientifique en 1909, mais je vous propose d'écouter avant tout un extrait de l'un de ses romans, Le Péril Bleu. Je me sentis happé brutalement par derrière, au torse, et soulevé comme par une poigne gigantesque, dure, violente. Geste fou. Tentative pour me retourner vers l'agresseur. Peine perdue. Je me débattis. Pendant ce temps, ce qui me tenait me tira en arrière, à soi, et me lâcha. Seulement, je ne tombais pas. Il y avait entre mes pieds et le sol un espace de quelques centimètres. Un claquement inexplicable retentit. Le bourdonnement prit de l'importance et fut compliqué d'autres sons. Mais c'est tout ce que j'entendais. Plus de sauterelles, ni rien d'autre. Alors j'essayais de me sauver, maudissant ma témérité, fou de peur. Mais incontinent, je me heurtais à une résistance, à une rigidité sans aspect. Je bondis dans le sens opposé, même rempart. Comme si un hypnotiseur m'avait ordonné de croire qu'il y avait toujours devant moi un obstacle. Comme si l'air s'était solidifié autour de moi, tout en restant aussi transparent. Je crus vraiment à de la suggestion, surtout à cause du soulèvement qui me rappelait des expériences de spiritisme taxées de fraude jusqu'alors. Tout ceci, une seconde. Puis, soudaine, une force incalculable venue d'en bas. Je ne sais quelle poussée que je sentis agir sous mes semelles tout à coup, me lança en l'air. On aurait dit que la terre me jetait au ciel. J'étais une sorte de boulet de canon projetée. Voilà, extrait du roman Le Péril Bleu qui n'est pas lu évidemment par Maurice Renard, son roman, je vous laisse commentaire libre. Allez, Guy Coste, pour commencer. Maurice Renard a inventé ce roman en pensant à des marins pêcheurs, c'est-à-dire qui feraient dériver leurs filets dérivants justement pour pêcher les hommes, pour avoir des échantillons de l'humanité pour pouvoir les étudier à loisir. Ça a été repris dans nombre et nombre de films de science-fiction avec les abductions de terriens par les extraterrestres. Oui, oui, un roman important dans l'histoire de la science-fiction, oui. Fleur Hopkins-Leferron. Oui, Le Péril Bleu, effectivement, qui est publié fin 1911, début 1912, qui paraît d'abord en feuilleton. Ce qui est tout à fait fascinant avec ce texte, c'est qu'en fait, il va mélanger les genres. On n'est pas seulement dans du merveilleux scientifique, on va avoir une ambiance un peu loufoque, teintée de Sherlock Holmes, un petit peu, parce qu'on essaye en fait de retrouver ces disparus. Et là, l'extrait que vous venez d'écouter, c'est donc Robert Collin, qui est un des malheureux kidnappés, qui décrit en fait sa torture presque hein, dans cet aérium, ce musée qui est complètement transparent dans le ciel. Jean-Christophe Averty en avait proposé une adaptation cinématographique assez réussie. Et quand on lit ce texte, évidemment, on se rend compte que Maurice Renard avait en tête les théories des années 1880 autour de la quatrième dimension. Mmh. Et cette idée qu'une personne qui se trouverait dans la dimension à vos côtés pourrait retourner votre cœur, votre foi et vous changer tout simplement d'environnement. Cette idée qu'il y a d'autres mondes invisibles. Alors ça, évidemment, quand on se replace dans l'histoire des sciences de l'époque, c'est une obsession, hein, cette idée de l'infravisible, de l'invu, de l'invisible, puisque précisément on fait des découvertes scientifiques incessantes qui nous montrent que les mondes invisibles voisins sont à nos côtés. Bien entendu, c'est le début de la microscopie, c'est les premières théories de l'atome, de Niels Bohr, etc. Ce qui est intéressant avec Maurice Renard et la raison pour laquelle on entre de plein pied avec lui dans notre sujet, c'est le manifeste de 1909 qui est considéré aujourd'hui comme la première théorie de ce qui deviendra plus tard la science-fiction. Je me permets de vous en lire un petit extrait. Si nous considérons l'univers comme partagé en trois divisions correspondant aux trois degrés classiques d'assentiment, il y a trois sortes de choses. Celles que nous ignorons, celles dont nous doutons, celles que nous savons. Les deux premières catégories dont le champ se rétrécit à mesure que notre science se développe, mais qui sans doute existeront toujours parce que nous ne saurons jamais tout, forment le domaine du merveilleux scientifique. C'est là, dans le monde des choses ignorées ou douteuses, qu'il doit puiser la substance de ses diverses réalisations, et non pas dans le monde des choses connues et certaines. Car la science est incapable de nous montrer nulle merveille, au sens propre du mot. Loin de là, elle est la grande tueuse de miracles. Il n'y a de merveille que dans le mystère, dans l'inexpliqué. Tout prodige cesse d'en être un aussitôt que nous pénétrons ses causes réelles et sa véritable nature, dès qu'il passe du ressort de l'ignorance ou de celui du doute dans celui de la science. Et c'est intéressant, Guy Coste, cette définition, parce que l'on voit finalement que dans ce texte de Maurice Renard, la science est ce qui est clair, et donc en quelque sorte, on pourrait presque dire que la science est une ennemie. J'ai pas compris le dernier terme. Je dis que, en quelque sorte, la science est ce qui éclaire, la science est ce qui explique, et donc, dans ce sens, par rapport à ce mouvement littéraire, la science est une ennemie. Oui, effectivement. Je sais pas quoi dire de plus que cela, parce que dans l'extrait de Maurice Renard que vous venez de lire, tout est dit, en fait. Et on ne peut que reprendre des textes. Je pensais à l'invisibilité dont parlait Fleur tout à l'heure. Bien sûr, le créateur, c'est Wells. Et il a presque tué la thématique avec son roman L'homme invisible, mais ça a été repris tout de suite derrière par Louis Bosnard, par exemple, avec son Monsieur Rien. Il en est de même pour Le Voyage dans le temps, où lui aussi a presque tué le thème avec sa machine à voyager dans le temps. Mais on trouve des auteurs français, francophones en tout cas, tout de suite derrière, et en revisitant complètement le genre. Je pense à L'anneau voyageur de Georges Amiot, qui est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et c'est rationalisé, c'est-à-dire qu'il peut voyager dans le temps avec une petite bague qui combine physique, chimie, même avec création d'une petite fumée qui permet aux voyageurs de se déplacer dans le temps. Et il visite ainsi plusieurs périodes. C'est tout à fait fascinant. Fleur Hopkins-Leferon, un mot là-dessus, c'est-à-dire que ce que j'essaie de faire dire, ou en tout cas ce que je trouve intéressant dans ce texte-là, c'est qu'on parle de merveilleux scientifique, mais on voit bien que l'endroit que veut explorer Maurice Renard, c'est l'endroit du doute, c'est l'endroit de l'obscur, c'est l'endroit du manque de connaissances en fait. Tout à fait, c'est ce qu'il appelait la frange ou le duvet. Lui, il veut faire un pas de côté, en fait, par rapport au présent tel qu'il le connaît. Et il s'agit dans ses récits, en fait, de proposer une hypothèse qui, effectivement, perturbe nos connaissances telles qu'on les connaît. C'est-à-dire que l'on peut devenir miniature, on peut devenir télépathe, on peut devenir passe-muraille. Élastique. Mais élastique, tout à fait, avec Jack Spitz. Voilà. Mais le récit doit rester totalement crédible et vraisemblable jusqu'à la dernière page. Et il s'agit, je le disais un peu plus tôt, véritablement d'une expérience de pensée. Maurice Renard le dit tout au long de ses archives, il s'agit de donner matière à penser à son lecteur. Et vous évoquiez le point de tension entre merveilleux et scientifique. C'est quelque chose qui a vraiment torturé Maurice Renard tout au long de sa carrière, hein, parce que en 1908, il parlait dans un autre texte, dans un avant-propos, il parlait de merveilleux trait d'union logique. Avec merveilleux trait d'union scientifique, on se rend bien compte que le contexte scientifique, métapsychique, pseudo-scientifique est extrêmement important, puisque le merveilleux cessera d'être merveilleux dès lors qu'il a une explication scientifique, et le scientifique ne peut pas être merveilleux si ce n'est par l'enchantement. Et de fait, un texte comme le Docteur Lerne en 1908, qui était quand même, qui avait pour titre premier l'enchanteur, hein, avant d'être justement le sous-dieu, nous pose cette question de l'impossible mariage entre le végétal et l'animal, entre la science et la merveille. Comment réenchanter par la science, ou au contraire, désenchanter parce que la science est porteuse de craintes, d'angoisses et peut-être même de menaces. Et ce qui est intéressant finalement avec ce manifeste de Maurice Renard et avec la littérature qui en découle, Guy Coste, c'est que là, pour le coup, il y a un vrai schisme, une vraie séparation entre l'aventure vernienne et son rapport particulier à l'imaginaire et son côté roman d'aventure, et ce que Robida appelle le conte à structure savante. Oui, c'est deux conceptions un peu, non pas diamétralement opposées, mais relativement concurrentes, effectivement. Je préfère Robida à Renard, pour tout dire. Ah même, Robida à Renard. Alors, on arrive malheureusement et on pourrait passer ne serait-ce que 3 heures sur cette première période, mais il nous faut bien avancer. La Première Guerre mondiale va passer par là. Guy Coste, est-ce que cette Première Guerre mondiale, justement, a un effet, ce conflit a un impact sur les imaginaires du merveilleux scientifique? Alors, de manière indirecte, bien sûr, les hommes étaient à la guerre et ils avaient autre chose à penser. De manière indirecte aussi parce que la pénurie de papier a fait que il paraissait beaucoup moins de feuilletons, on en a parlé tout à l'heure, et y compris de romans. Voilà les effets indirects de la guerre. Voilà, je peux pas dire autre chose que ça pour l'impact de la guerre. Après, il y a eu l'impact sur les esprits de dire, la science nous a amené que des malheurs, alors qu'avant la science était triomphante à l'époque de Jules Verne, par exemple. Il y a un sérieux doute qui est arrivé. On le vit actuellement avec les problèmes en Ukraine. En Ukraine, voilà. Oui, c'est, on en a souvent parlé à ce micro. Effectivement, il y a quelque chose entre la promesse d'un futur radieux, une science qui promet de bouleverser le monde et de produire de l'utopie. La Première Guerre mondiale arrive et montre que la science est au service de la guerre et que la science peut être utilisée à mauvais escient. Et ce sera évidemment confirmé par la bombe atomique. Absolument, mais il se trouve que même avant la Première Guerre mondiale, il y avait déjà une crainte de la science pernicieuse, la science qui apporte notamment des modifications au corps de l'homme, et il y a cette crainte tout simplement d'un homme qui voudrait être démiurge et qui peut être tué par sa création. Donc moi j'aurais tendance à dire qu'il n'y a pas de rupture thématique vraiment fondamentale dans ce corpus du merveilleux scientifique et plus largement de la science-fiction. Il y a plutôt un renouvellement, puisqu'à présent on va voir du côté du radium, le radium qui peut créer des surhommes, on va voir du côté des modifications corporelles avec toute cette crainte à la Carrel, à la Voronov, cette idée que l'homme modifié est-il encore un homme? Donc on a plus des questions d'ordre ontologique et des questions aussi de récits qui vont tout simplement se déployer sur des champs de bataille, avec L'homme truqué de Maurice Renard en 1921, avec l'énigme de Givreuse. Mais avec il ne Félix me semble Fax de Féval, pas. Tout à fait. C'est la même époque. Mais il ne me semble pas qu'il y ait de rupture absolument fondamentale. Simplement, il y a une noirceur encore décuplée par ce premier conflit armé. Tout à fait. Alors, notre ambition était de réussir à arriver jusqu'à 1950. Donc, le dernier pas, j'avoue, est un peu large. Néanmoins, on peut dire quelque chose, Guy Coste, c'est-à-dire de cette période de l'entre-deux-guerres. Il y a un prix Jules Verne qui est écrit en 1927. Et puis, on assiste justement entre ces âges-là, 28, 33, à une sorte de ce qu'on pourrait qualifier de premier âge d'or finalement du merveilleux scientifique français, avec beaucoup d'auteurs. Je parlais de Félifax et de Féval, on peut parler de Magog, de Léon Groc, dont parlait tout à l'heure Fleur, et ce qui est incroyable, c'est que de cette littérature là il ne nous reste aujourd'hui quasiment rien. Si, il y a Spitz, il y a ces gens là mais on en a perdu le souvenir. Voilà. Parce que l'impact peut-être pas pas été assez important, si ce n'est qu'il est remis à jour par les chercheurs, par les historiens, mais dans le grand public, certainement pas. Dans les auteurs qui ont suivi, oui, pour certains, comme Barjavel, par exemple. Lui, il a lu tous ses auteurs précédents, il en a tiré la substantifique moelle, on peut dire ça de Barjavel, oui. Écoutons-le, Barjavel, René Barjavel. Si j'ai écrit de la science-fiction, c'est parce que ce qui m'intéresse, ce qui me passionne, ce ne sont pas les petites coliques sentimentales ou érotiques de l'individu, du couple ou même du groupe maintenant, n'est-ce pas ? C'est notre sort à nous tous, le sort de nous en tant qu'espèce humaine ou que société humaine. C'est le sort de l'humanité et de l'espèce. Or, la science-fiction, c'est une façon de mettre l'espèce humaine devant des problèmes et de voir, d'imaginer comment elle pourrait s'en sortir. Par exemple, dans Ravage, c'était le problème de l'énergie. Il n'était pas question à ce moment-là de crise de l'énergie, mais j'avais déjà conscience que notre société était effectivement une société de distribution de l'énergie, que le sang énergétique courait dans la société, et que si tout à coup ça s'arrêtait, la société était foutue. Donc, ce n'est pas une peur du présent qui me fait écrire de la science-fiction, c'est une curiosité de l'avenir. Voilà, la curiosité de l'avenir, selon René Barjavel, après Ravage, l'extrait que vous venez d'entendre, date de 1943. Barjavel, Fleur Hopkins, Loferon, c'est, on va dire, le premier pied dans ce que va être la science-fiction française contemporaine. C'est finalement l'une des premières traces, malgré la pléthore d'auteurs et de textes que l'on a jusqu'à présent. Pourquoi lui ? Oui, tout à fait. J'aurais même tendance à parler de la triade Messac, Spitz, Barjavel. Et on voit bien là, cet entretien était absolument fascinant parce qu'il nous renvoie totalement à l'épopée humaine de Rony, avec cette idée d'un récit englobant qui serait porté à l'échelle de l'humanité entière. Je pensais notamment à la force mystérieuse de Rony, à la mort de la Terre, on en a parlé un petit peu plus tôt. Mais vous voyez bien, quand on évoquait le merveilleux scientifique, c'était le plus souvent un héros et son parcours individuel avec une métamorphose, une modification, quelque chose qui allait altérer la suite de l'intrigue. Mais là, effectivement, on entre à une autre échelle qui est celle de l'humanité entière et d'un bouleversement qui peut aussi être celui de la guerre des mouches, par exemple, avec Spitz. Et là, on est en 38. Donc, on voit bien que vers les années 30-40, il y a quelque chose de très curieux qui se passe. Pourquoi est-ce qu'on cite très souvent Barjavel ? Parce que c'est le premier, en 43, dans Le Voyageur imprudent, à mettre en scène un paradoxe temporel. Cette idée que si vous retournez dans le passé et que vous tuez... dans le passé. Je m'y retrouve. Bon, vous voyez, moi-même, ça me grille le cerveau. Et que vous tuez votre grand-père. Voilà, tout à fait. Et ben, vous ne pouvez pas être né, mais pour autant vous êtes né, vous êtes dans le passé. Donc on voit bien que là il y a un figement américain très fort et des personnalités comme Messa qu'on connaît pour La Cité des Asphyxiés, pour 15 Zinzili, ils avaient connaissance de ce qui se passait aux États-Unis et des Pulps. Mmh. Donc on a effectivement des figures transfuges assez curieuses comme ça qui nous montrent qu'il n'y a pas de rupture nette, qu'il y a des lieux de communication, des vases communicants entre ce merveilleux scientifique vieillissant et puis cette science-fiction américaine avec ses nouveaux codes. Mmh. Guy Coste, pour conclure, en quelques mots, pourquoi est-ce que ce premier âge du merveilleux scientifique français s'arrête ? Pourquoi est-ce qu'on détermine cette année 1950 vraiment en quelques mots, s'il vous plaît ? Il a fallu, avec Joseph, trouver une date symbole, en quelque sorte. Et ça n'a rien à voir avec les textes, là, ni avec les auteurs. Ça a à voir avec les collections de science-fiction qui apparaissent en France à cette époque-là. C'est l'anticipation du Fleuve Noir et le Rayon Fantastique de Hachette Gallimard, qui sont apparus toutes les deux en 1951. Et ça nous a apparu comme une date symbolique d'un jalon important de la science-fiction. Après, les choses sont différentes. Et ça fera l'objet de vos futures émissions. Absolument. C'est en tout cas le point d'arrivée de ce premier épisode consacré à l'histoire de la science-fiction française et francophone. Mille merci à tous les deux de l'avoir ouvert. Fleur Hopkins, Loferon, Guy Coste, évidemment, on ne saurait trop recommander de vous plonger dans cette encyclopédie passionnante que sont les rétrofictions coécrites avec le très regretté Joseph Alterac aux éditions des belles lettres. Mille merci à tous les deux. La méthode scientifique, c'est Céline Lozen, Natacha Triou, Noémie Naguette, Saint-Vulfran, Antoine Beauchamp, Mariam Ibrahim, Amel Boucherka, Vivian Lecuivre, aujourd'hui à la réalisation, et Félix Delacour à la technique. Et comme toujours, la méthode scientifique, c'est en podcast sur l'application Radio France et en réécoute sur franceculture.fr, et ce, à tout jamais jusqu'à la fin des temps, jusqu'à preuve du contraire.